En plus c'est tellement vite fait. Dans une voiture, sous les combles d'un hôtel isolé. Mais putain, si c'est juste pour te vider, au mieux, ça masturbe. Pour jouir un peu mieux. Quelqu'un qui ne va pas contrôler. Mais maintenant que je sais ça, pour moi c'est pas ça. Moi c'est pas ça. Je veux juste quelqu'un pour pouvoir continuer. Pour ce qui reste partagé. Pouvoir aimer, aimer l'illusion de ne pas être seul. Aimer l'illusion de penser avoir été. Aimer l'illusion de penser avoir été. Oh, oh, oh. Ça m'étonnerait pas, tout ça, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, tout ça, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, tout ça, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, tout ça, ça m'étonnerait pas. Qu'il aime les enfants, qu'il aime se branler, qu'il aime toucher. Après tout.